Thank you. J'ai trop bossé pour faire la bossa. Oh, Manu, t'es vraiment lourd. Et toi, t'es un peu coincé, hein, Manu. Il va falloir que tu te décoinces un peu parce que, franchement, faut que tu décompresses. Hein. T'es pas si zen que ça. Thank you.